Serem pi preu, tu prekeu, ou se trésor mwen, e ou sauvem tu. Kembem, oh kembem, bon Dieu d'amour, fem chwen yo kote pou m'kache nan ou. Fem jwen yo kote pou mka chenan. Serem pi pre ou, mwen pa anyen. Mwen pa gen ofran pou Jezu wa mwen. Selman yon kè ki tou ple peche, lavem Jezu san ou koule pou mwen. Lavem Jezu san ou koule pou mwen. Serem pi pre ou, mwen pa anyen. Se pa pou moun sa, ke mwen gen dezi. Mwen la ge peche, a tout langey. Pam selman Jezu, Seigne m'crucifie. Bam selman Jezu, Seigne m'crucifie. Serem pi pre ou, pandan vi sa. Jouk tan mwen la, vek ou nan la gloa. Pou mwen rete tou, jou avek ou. Pi pre ou sovem, pi pre ou toujou. Pi pre ou sovem, pi pre ou toujou. Serem pi pre ou, tou preke ou. Ou se trésor mwen, e ou sauvem tou. Kembem, oh kembem, bon Dieu d'amour. Fem chwen yo kote, pou m'kache nan ou. Fem jwen yo kote, pou m'kache nan ou.